Babylone sont couvertes de sang. C'est sûr, ces hommes n'étaient pas du même rang que ceux qui ont des rues au Walla. Ce sang est celui des hommes qui l'ont bâti, des hommes qui l'ont bâti. Bats-toi, bats-toi, ménage toujours à contre-courant. Oh, bats-toi, bats-toi, ménage toujours à contre-courant. Oh, bats-toi, way round. Bats-toi, one life. Aucune reconnaissance, pas une gerbe de fleurs pour ceux qui ont voué leur vie à bâtir un monde meilleur. Mais tant de cérémonies pour ceux qui ont tiré sur l'ennemi. Une arme à la main, en levant la vie, alors je crie sans préavis. Oh, bats-toi, bats-toi, mais jamais une arme à la main. Oh, bats-toi, bats-toi, mais jamais une arme à la main. Oh, bats-toi, oh, oh, oh, oh. Wild, wow. Bats-toi, oh, oh, oh. Je glorifie ici ces hommes et ces femmes qui ont su de leur vie prouver la valeur de leurs âmes. À ceux qui ont écrit l'histoire, oh, l'histoire, en lettres de sang, synonyme de gloire, synonyme de gloire. Oh, bats-toi, bats-toi, mais ne crois jamais que le sang est gloire. Oh, bats-toi, bats-toi, mais ne crois jamais que le sang est gloire. Oh, bats-toi, oh, oh, oh, oh, oh. Why not? Bats-toi, oh, oh, oh, oh. Jamais que le sang éclore au bas droit en haut.